Bah, tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Annick d'avoir la chance de présenter mes résultats. Je vais vous présenter mon travail en fait. Il y en a qui étaient un peu étonnés ce midi quand je leur ai dit que je travaille sur les coquillages. Pas que, je travaille aussi sur les crustacés. Mais en fait, c'est mon domaine de recherche et donc je passe ma vie à travailler sur ces invertébrés marins découverts sur les sites archéologiques. Je travaille sur plein de périodes différentes, donc de la préhistoire hein, jusqu'au XVIIe siècle. Je pense que ce sont les sites les plus récents sur lesquels je travaille. Alors, je dois doublement remercier Annick, parce que, en fait, la découverte de coquillages, en fait, c'est finalement très, très récurrent en archéologie. Mais l'étude des coquillages, en fait, reste encore assez marginale. Et donc, là, c'est un cadre exceptionnel pour moi de présenter cela. Alors, les coquillages, en fait, même sur la façade atlantique et la Manche, en fait, en France, même en Méditerranée, il y a plein d'utilisations multiples et variées des coquillages. Ça peut être utilisé pour décorer les murs, pour faire des bijoux. C'est témoin de pèlerinage. On peut également faire du colorant à partir de coquillages. Ça peut servir de récipient et ça sert d'outil. Donc ça, c'est plein d'activités que l'on peut retrouver en archéologie. Et j'avoue que j'ai commencé cette étude un peu innocemment. Annick est venue me livrer sur Rennes les coquillages. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? Elle m'avait parlé un peu des contextes, mais c'était assez abstrait pour moi à cette époque-là. Donc j'ai fait une enquête archéologique un petit peu à l'aveugle, en fait, en novice. Et puis c'est ensuite, en discutant avec Annie, que j'ai pu remettre tous ces résultats en contexte. Alors également, la chose que je n'ai pas eu le temps de faire ici, c'est de discuter avec les historiens. Donc j'espère que ceux qui sont dans la salle vont pouvoir m'apporter des informations. Parce que vous allez voir, je vais pointer en fait quelques petites questions. Et je pense que les historiens vont pouvoir répondre et compléter certains éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vais appuyer sur un bouton, j'ai une chance sur deux. Voilà. Alors, je vais vous présenter deux utilisations des mollusques marins qui sont présents à Versailles. C'est l'utilisation du coquillage en tant qu'aliment. Donc, je dis bien coquillage. Pour moi, un coquillage, c'est donc un être vivant qui est associé à sa coquille. Et je vais vous parler dans un second temps des rocaillages que Annick vous a présenté. Elle vous a présenté les fouilles. Malheureusement rapidement, parce que vous allez voir que j'aurais bien aimé qu'elle nous présente certains contextes, mais du coup, s'il y a des questions à la fin, je laisserai Annick répondre concernant les contextes. Donc on va passer tout d'abord à l'alimentation. Comme Annick vous l'a présenté rapidement, les coquillages que je vais vous présenter sont issus des fouilles de la grille royale qui a eu lieu en 2006. Voilà les schémas qui sont aussi passés assez rapidement. Donc vous avez ici un plan en fait des différents états de construction. Alors j'ai volé ça en fait sur internet. Hein, c'est des travaux d'Annick. Avec les différentes étapes de construction, de restauration ou de modification de la grille royale. Et puis là je vous ai mis en fait ce sont toutes les localisations des coquillages. Et vous pouvez voir en fait qu'ils proviennent d'un peu partout autour de la grille. Donc avec présence au niveau des arts, au niveau des fossés et au niveau des corps de garde. Alors, c'est vrai que moi, en fait, je travaille énormément sur les poubelles, hein, sur les dépotoirs, j'ai pas honte de le dire, mais vous allez voir que ça apporte quand même quelques informations. Alors, également, ce qui est très très intéressant pour moi, c'est que j'ai quand même une datation à 15 ans près des coquillages. Je peux vous dire que c'est extrêmement rare. Ce que je vais vous présenter, donc, ce sont des coquillages. Donc, vous voyez les datations donc, qui correspondent autour de 1680 et de 1664 à 1679. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce que je connais les datations, vous allez voir Annick. Alors, ces fouilles, en fait, elles ont permis de découvrir, moi je vais vous présenter les coquillages, mais elles ont permis parmi les découvertes, on a aussi trouvé de nombreux restes animaux, des oiseaux, des poissons d'eau douce et d'eau de mer, des mammifères comme le porc, le mouton et la chèvre, et le bœuf. Alors, c'est une étude qui avait été réalisée par Justine Voringer et Julien Treillot. Donc, moi je vais vous présenter les coquillages. Donc, les voici. Alors, ce sont des coquillages qui ont pour certains été ramassés à vue. Donc, vous imaginez, vous êtes sur la fouille, vous allez ramasser des gros éléments. Et puis, on avait un petit complément de coquilles qui était issu de refus de tamis. Donc, on va prendre le sédiment, on va tamiser à 4 et à 2 mm, à 5 mm et à 2 mm, pardon, ici. Et donc, mon travail, ça va consister à, dans cette masse de sédiments, à regrouper toutes les coquillages, toutes les coquilles qui se ressemblent, à essayer de leur donner un nom. Et ensuite, à les quantifier. Alors, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec la méthodologie, mais je vais quand même vous dire comment je quantifie les coquillages, parce que vous allez voir juste après un petit tableau, ça va vous permettre d'être moins perdu. Alors, concernant la quantification des restes donc, archéozoologiques, donc on a compté tous les restes, donc ça s'appelle les nombres de restes. Donc vous allez voir dans le tableau, ça va être marqué NR. Également, on va compter le nombre minimum d'individus. Car les coquillages, pour moi, ce sont des individus. Par exemple, vous avez des moules. Les moules sont composés de valves droites et de valves gauches. Si j'ai 5 valves droites et 2 valves gauches, mon NMI est de 5. Donc voilà, vous allez voir NMI. Et également, je m'amuse à peser régulièrement les coquillages parce qu'en fait, on a possibilité parfois de reconstituer les masses de chair en fonction de la masse de coquilles qu'on trouve sur les sites archéologiques. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, on a une douzaine d'espèces qui sont présentes donc, sur la grille royale. Donc certaines, normalement, vous sont peut-être communes. Vous avez ici l'huître palate, Ostrea et Dulis. Alors c'est bien l'huître plate, hein, il va falloir attendre un petit peu avant que l'huître japonaise et l'huître portugaise arrivent sur les côtes. On a également ici la moule, donc là encore une espèce aussi qui est accessible sur le long de la façade de l'Atlantique et la Manche. Vous avez fait ici donc un fragment de coquille Saint-Jacques, de la coque pour les espèces que vous pouvez connaître, également ici du bulot ou buxin. Vous avez un petit fragment ici d'ormeau. Et en fait, on a aussi des petits coquillages qui ne sont sans doute pas des coquillages... Tous ne sont pas des coquilles alimentaires, vous allez le voir après. Mais on a des petits coquillages ici, comme la Littorine obtuse ou la Nasse réticulée. En fait, ce sont des coquillages qui auraient pu venir avec des algues pour conserver les aliments. Malheureusement, là, il n'y avait pas assez de prélèvements de sédiments pour pouvoir le prouver. Donc c'est vrai que souvent, quand on fait de l'archéologie, ça coûte de l'argent, ça met du temps. Et le problème, c'est que moins on met de temps, moins on peut avoir d'informations. Donc là, voilà, il y a peut-être des algues qui ont été transportées à Versailles pour conserver certains aliments. Mais là, malheureusement, on n'a pas pu le montrer. Donc la plupart ont pu être collectés ici sur le littoral, des côtes françaises. Et vous avez ici une coquille exotique qui est un taïs, donc malheureusement qui était assez fragmentée, donc je n'ai pas pu en déterminer l'espèce. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que c'est une espèce, et je vais y revenir après, qui ne provient pas des côtes proches, les plus proches en tout cas de Versailles. Alors il y a aussi présence, et là on va aussi la retrouver, de la moule d'eau douce, qui est l'ugneau, dans ce lot. Alors voici les quantifications. Donc maintenant que vous êtes expert en archéozoologie, vous voyez le nombre minimum d'individus et le nombre de restes. Alors vous voyez tout de suite, très très rapidement, du coup il y a à peu près 280 huîtres qui ont été trouvées sur le site. Et puis en fait finalement toutes les autres espèces sont accessoires, c'est-à-dire qu'elles sont présentes en quelques exemplaires. On a également présence de la moule. Alors là, c'est mon grand regret, parce que quand on n'a pas beaucoup de tamisage, en fait, c'est une espèce très friable. En fait, on ne la retrouve pas en archéologie. Si on fait un prélèvement à vue, la moule en fait, va totalement disparaître du spectre. Alors voilà ce que ça donne au niveau des spectres. En quantification, donc vous voyez en fait la représentation de l'huître et de la moule. Alors ça c'est intéressant parce que déjà on voit qu'il y a uniquement deux espèces qui sont largement majoritaires. En noir, j'ai additionné toutes les espèces qui sont inférieures à 1% du nombre minimum d'individus. Et en fait, on voit finalement le filtre commercial qui s'exerce. J'ai pu en fait étudier des sites du 17e plutôt très proches de la mer. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens qui vivent près de la mer vont exploiter toutes les ressources qui sont accessibles. À ces périodes-là, on mange de la bernique, de la patelle, pour ceux qui connaissent un petit peu. On va manger du pétoncle, de la coque. On va manger souvent plus d'une dizaine d'espèces. Et là, en fait, on voit qu'on a un filtre commercial qui s'exerce. Et ce filtre commercial est d'ailleurs visible même dans la capitale. Hein. Je pense à des exemples sur Lutèce. On le voit apparaître dès l'Antiquité. Alors, également un élément intéressant, alors on voit que les huîtres qui sont arrivées sur Versailles donc ont été achetées. Et également, on voit en fait qu'elles ont été préparées avant d'arriver sur Versailles. Toutes les huîtres en fait sont uniques et lavées, bien apprêtées. Et on a des traces en fait de ce lavage déjà dès l'estran, dès la côte, parce que vous avez ici par exemple une trace ici. Donc il y avait du sédiment à l'intérieur. Hein, c'est pas Annick qui avec sa truelle s'est amusée à faire une trace juste pour m'occuper. C'est juste en fait que sur le littoral, les hommes se sont amusés à nettoyer les huîtres, à les débarrasser des coquilles sur lesquelles elles peuvent être accrochées pour pouvoir être transportées. Donc on a des indices de limitation du poids des huîtres transportées sur Versailles. Également, vous avez un deuxième élément ici, c'est une trace d'ouverture d'huître, donc vous avez qui peut éventuellement correspondre à cette cassure-là. Ça montre quoi? Ça montre que les huîtres ont été transportées sans doute fraîches à Versailles. Après, je ne peux pas vous dire si elles ont été mangées fraîches ou cuites, parce que à certaines périodes, donc je pense au Moyen Âge, on s'aperçoit que c'est pas parce que quelqu'un s'embête, on va dire, prend le soin de transporter l'huître vivante qu'ils vont la transporter et la consommer en fait vivante. Parfois, en fait, on va prendre le soin d'ouvrir l'huître vivante, mais ensuite on va la faire cuire. Alors également dans le monde obscur en fait de mon travail, je m'amuse à regarder en fait toutes les petites bêtes qui vivent dans l'environnement des huîtres. Et donc ça c'est également intéressant parce que ça nous apporte des informations sur les caractéristiques des territoires d'origine des coquillages. Et c'est là que je pourrais faire mon premier clin d'œil aux historiens. Quels sont les contacts avec quelle partie en fait des océans les plus proches. Donc vous avez par exemple ici, je vais en citer uniquement quelques-uns pour pas finir d'endormir ceux qui sont en pleine digestion. Donc vous avez ici une huître qui est totalement, vous voyez, il y a plein de petites perforations, donc c'est pas non plus, c'est pas Annie qui s'amusait à faire des trous. C'est en fait une petite éponge microscopique qui vit en colonie et qui fait des perforations à l'intérieur de l'épaisseur de la coquille pour se protéger. Alors cette éponge, elle nous intéresse bigrement en archéologie parce que c'est une éponge qui supporte pas d'être hors de l'eau. Donc en fait, on s'amuse à compter ces petites bêtes pour savoir en fait comment ont été finalement pêchées les huîtres retrouvées à Versailles. Alors également, je peux vous présenter ces perforations en fait. Ce sont d'autres coquillages qui s'amusent à percer les huîtres pour s'en délecter. Et ces coquillages, on sait en fait de qui s'agit-il? Ce sont par exemple les pourpres, donc Nucella lapillus et les murex et également les natis qui font des perforations parfaitement circulaires. Et les coquillages qui font ces perforations n'aiment pas du tout l'eau douce. Donc vous allez voir quelles conséquences ça peut avoir. Également, vous avez ici des petits tirets, en fait, parce que le monde marin est orné de petits vers marins. Certains font des trous dans la coquille pour se protéger, d'autres vont créer des petits tubes pour également se protéger. Certains tubes sont en calcaire et d'autres en fait sont des agglutinations de petits grains de sable. Comme vous pouvez voir là ici, vous avez une petite virgule et en fait il y a plein de petits grains de sable dans lesquels était logé un ver. En fait, on peut déterminer de quel type d'organisme il s'agit. On peut donner un nom d'espèce à ces petits restes pour affiner en fait le territoire exploité par les populations qui ont collecté ces huîtres. Alors, ce qu'on voit, donc je vous demande pas d'apprendre les chiffres par cœur. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est que par exemple, vous avez la clionne. Donc ça, c'est notre éponge marine qui n'aime pas trop être hors de l'eau. On voit qu'on a 42% des huîtres qui ont été attaquées par cette éponge. Donc, en fait, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça nous dit en fait qu'il y a sans doute une petite partie des coquilles qui ont été pêchées sous l'eau, ou alors lors de très très grands coefficients de marée. Donc on a peut-être un indice de dragage. Là, je ne peux pas le prouver à 100%, mais on voit en fait une collecte qui en fait va au-delà en fait des coefficients de marée qui sont qui sont petits. Ça veut dire en fait qu'il y a peut-être aussi une vision sur la surexploitation des coquillages. Ce que je veux dire, c'est que plus l'huître va être pêchée au cours du temps, au fil de la chronologie, plus les stocks vont disparaître. Ça, on le voit très bien hein, par rapport à la taille des coquilles qu'on voit ici. Également, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus les ressources vont diminuer, plus l'homme va aller loin dans la mer. Donc, on aurait peut-être ici des indices de dragage. On a également la présence d'un ver qui est présent à 90%. 13% par exemple sur les valves droites, si j'arrondis, ça indique en fait une pêche en fait dans un milieu assez abrité, mais qui n'aime pas en fait l'eau douce parce qu'on a la présence en fait, alors je ne sais plus où elles sont, se cachent, de petites perforations circulaires que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, là encore, donc sur les côtes françaises de l'époque, les zones qui sont régulièrement fréquentées, ça sera intéressant de voir quelles sont celles qui ont ces critères. Également, en fait, si on regarde tous les indices d'huîtres qui sont fixés avec d'autres huîtres, on voit en fait qu'on a 19% des huîtres qui ont vécu à côté d'une huître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un taux en fait très faible par rapport à ce qu'on peut connaître de l'époque. On voit en fait que c'est pas visiblement une exploitation d'une huîtrière très très dense en huîtres. Donc voilà. Alors également, on s'est amusé à mesurer les huîtres, et là en fait, on voit encore en fait le côté comment dire sélection également prestigieux du site, avec un calibrage assez assez fin des huîtres qui vont être consommées sur Versailles, avec des calibres qui sont compris entre 6,5 cm et 10 cm. Donc c'est quand même des gros calibres donc à ce niveau-là qui ont été choisis. Donc là, en fait, si vous voulez savoir qui a mangé les huîtres, vous pouvez vous diriger vers Annick, peut-être qu'elle a une idée par rapport au remplissage du fossé. Là, c'est la première utilisation des coquillages. Donc on voit quand même quelque chose d'intéressant au niveau des espèces qui vont être sélectionnées. Donc une sélection très drastique avec un calibrage très fin et une préparation des coquillages. Dans ce lot, en fait, ça va me permettre de faire la transition avec les exemples qui vont suivre. On a par contre, donc l'huître a été ramassée vivante, elle a été ramenée vivante, la moule également. Par contre, on a ce bulot ou buxin qui a été transporté mort. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Vous avez ici des petits indices d'organismes marins qui sont fixés à l'intérieur de l'animal. Et à partir du moment où ils arrivent à se fixer à l'intérieur de l'animal, c'est que cet animal était mort, quand il a été transporté à Versailles. Alors pour faire la transition, je vous ai mis les spectres en fait donc de ce qu'on vient de voir. Donc vous avez là donc un spectre très réduit. Et puis voilà les coquillages en fait qui proviennent des bosquets de la Reine et des bosquets du Rond Vert. Vous voyez une diversité un peu plus importante et il y a très très peu d'espèces en commune à ces deux lots. Alors je vais commencer par la présentation des éléments qui ont été découverts donc dans les fouilles du labyrinthe. Donc si je ne me trompe pas, ça correspond à l'actuel bosquet de la Reine. Donc c'est ce que j'aurais aimé que Annick nous présente un peu plus longuement. Hop. Donc oui, d'ailleurs, ce sont les éléments qu'elle a présentés. Alors je cherche mes notes, voilà. Donc voilà. Alors dans le rapport de Annick, donc en fait tous les sondages qu'elle avait réalisés en fait dans ce bosquet de la Reine ont révélé la présence de rocaillages qui décoraient finalement, donc si je me trompe pas, les margelles et les supports des sculptures. Donc parmi ces éléments, donc elle vous en a présenté certains. Donc on avait des coquillages, des pattes de verre, des cailloux colorés, des feuilles de cuivre et des meulières cuites. Dans le rapport, c'est marqué, etc. Alors, donc vous voyez en fait ici, il y a une très très grande diversité d'espèces. Alors, je vais vous présenter en fait le bosquet de la Reine assez rapidement, et puis je vais vous présenter ensuite celui du bosquet du Rond Vert en vous décrivant un peu plus en détail les résultats. Comme ça, vous allez voir les points communs et quelles informations cela peut donner. Donc on a une diversité, comme je disais tout à l'heure, assez importante. On n'a pas seulement deux espèces. Et si on passe aux quantifications, on voit que beaucoup d'espèces, donc là vous avez les quantifications en nombre minimum d'individus, vous voyez, il y en a beaucoup en fait qui sont représentés par uniquement un individu. Alors qui sont-ils en fait? Donc on va retrouver les gastéropodes, donc c'est les coquillages qui sont composés uniquement d'une coquille, pour faire simple. Donc vous avez ici, vous retrouvez le bulot, le buxin qu'on peut retrouver sur nos côtes. Également ici c'est le pourpre en fait qui est sur les côtes atlantiques et de la Manche. Et vous avez aussi également ici l'ormeau. Et puis ce qui va contraster avec le lot précédent, celui de donc la grille royale, vous avez d'autres coquillages en fait qui eux sont de provenance exotique, comme ici ce Strombe, cette Sérite et également ce Trivia. Alors ça, c'est, ça ressemble, ça peut être appelé sur certaines côtes les grains de café ou les cyprès. Donc là, je suis désolée, j'en avais aucun complet, donc vous avez des photos de coquilles un peu écrasées. Également ici, vous avez donc les bivalves. Donc les bivalves, ce sont les coquillages qui sont composés de deux valves. Donc vous pouvez reconnaître ici la coquille Saint-Jacques, la coque. Ici également, ce sont des coquilles qu'on retrouve sur nos côtes, le pétoncle. Et puis vous allez avoir des coquilles exotiques ici, comme l'huître qui vous allez voir qui provient d'autres zones. Parmi ces coquillages, en fait, on a des indices là encore de coquilles qui ont été ramassées mortes. Donc il est probable que parmi la population humaine, en fait, le travail de certaines personnes était de ramasser des coquilles mortes. Là encore, comment est-ce qu'on peut le savoir? Vous avez ici en fait une despoimation, une usure en fait de cette partie de la coquille, et ici vous avez un arrondi de la coquille. Alors cette coquille par exemple, celle de droite, c'est l'amande de mer, elle se retrouve encore chez les poissonniers. Alors c'est une coquille très très arrondie et ça a des petits zigzags violets sur sa surface. Donc là, en fait, on voit que c'est totalement arrondi. Alors, il faut imaginer les coquilles qui se désolidarisent les unes des autres dans l'environnement. Elles vont se retrouver dans l'eau, brassées par la mer. Vous avez plein de petits grains de sable, en fait, qui vont se frotter contre la coquille et qui vont peu à peu l'user. Et donc, en fait, vous voyez ici, c'est l'état de la coquille. Donc, c'est pour ça que j'avais intitulé un jour une communication « On ne mélange pas les torchons et les serviettes », pour dire qu'on ne mélange pas les coquilles et les coquillages, parce qu'en fait, on voit en fait, ici que si vous allez chercher des coquillages pour vous en délecter, ou si vous allez les chercher pour vous décorer, ou décorer des fontaines, ça représente et ça correspond à deux activités qui sont totalement différentes. Alors également, on avait donc sur le bosquet de la Reine des indices en fait donc d'association des coquilles. Là, je me suis trompée, je suis désolée, j'ai une discussion ce midi. Donc là, justement, c'est des coquilles avec le mortier, donc qui sont présentes ici. Donc je vais y revenir un peu plus en détail sur le bosquet du rond vert. Et puis vous avez en fait, on avait sur donc le bosquet de la Reine un seul indice de coquille travaillée. On va en venir au bosquet du Rond Vert, ancien théâtre d'eau. Je vais citer ici un rapport. Donc, au centre, en fait, on avait au centre de chaque allée, on trouvait un canal orné de coquillages variés de nombreux jets d'eau qui s'écoulaient en cascade le long de la pente. Au sommet de chaque cascade se trouvait un bassin rond décoré de coquillages et de groupes sculptés représentant des dieux enfants. Alors c'est beau, alors quand on passe à l'archéologie, on passe à un tableau, c'est moins sympa. Donc vous avez ici les fouilles que Annick vous a présentées rapidement avec des fouilles. Donc le matériel que j'ai étudié est issu des fouilles de 2002 et de 2011. Et là encore, en fait, en tant qu'archéologue, je dois le souligner, avec un caractère assez exceptionnel concernant la datation des lots qui ont été étudiés, parce qu'on sait que, les résultats donc des recherches d'Annick, avec, on sait que les coquillages ont été livrés en 1671 et posés en septembre 1672, et qu'ensuite on a eu des restaurations donc du bassin central en 1680 et en avril-mai 1686 et 1698. Alors que voit-on au rond vert? Alors je vous ai mis en rappel ce qu'on avait au bosquet, sur le bosquet de la Reine. Sur le bosquet du rond vert, on voit qu'on a une très très grande diversité d'espèces, plus de 20 espèces, représentées. En fait, c'est pas un hasard, c'est une volonté en fait de choisir en fait et de sélectionner une diversité aussi de formes, parce que souvent on a l'impression que c'est un petit peu cacophonique quand on regarde les rocaillages, mais il y a sans doute en fait un côté esthétique à la chose. Donc beaucoup sont communes, hein. Vous retrouvez par exemple l'ormeau, la sérite, la moule d'eau douce, également ici un strombe ou taïs. Vous avez également de l'huître plate, également de l'anomie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle pelure d'oignon pour les gens qui sont habitués à la côte. Et également, vous avez ici une grosse coque. Alors c'est intéressant aussi parce que, par exemple, cette grosse coque qui est une bucarde, et c'est le cas de plusieurs espèces représentées sur le château de Versailles pour le rocaillage, ce sont des espèces qui vivent sous le niveau de la mer. Il faut imaginer, et ça c'est quelque chose qu'on voit tout au long de la chronologie, hein, dès la préhistoire, que les coquilles en fait, qui viennent des fonds marins marins sont souvent utilisés pour des décorations. Il faut imaginer aussi derrière le prestige et aussi tout le côté symbolique de coquilles qui viennent des abysses et qui ne sont jamais en fait vues vivantes par les populations. Donc souvent on ne maîtrise pas en fait ces territoires en fait des fonds marins. Donc il faut imaginer aussi que voilà, il n'y a pas non plus forcément de hasard dans le choix de ces coquillages. Alors, je vous ai remis un tableau avec plus d'une vingtaine d'espèces retrouvées sur donc, le bosquet du Rond Vert, avec beaucoup d'espèces représentées par quelques exemplaires. Alors, voici les gastéropodes. Donc, vous reconnaissez maintenant leur mot un peu légèrement cassé. On a aussi de la patelle. Donc, on l'a vu, hein, la patelle, voilà, ça c'est la bernique, la bronique ou la flie, la rapède pour ceux qui viennent de Méditerranée. En fait, ce coquillage, il est très très consommé en très très grande quantité sur la côte à cette époque-là. Et là, il va être utilisé dans les décors. Donc, ça veut dire quand même qu'il existe et qu'il peut voyager. Mais là, il est sans doute venu sans la chair. Vous avez aussi des coquilles exotiques, hein, comme le strom. Et également, vous avez ici des cérites et une turritelle. Voilà. Alors pour les bivalves, là encore, on connaît à la fois coquilles qui pourraient provenir de côtes proches et coquilles qui viennent en fait de zones lointaines. Alors quelque chose m'avait marqué et m'a marqué en fait, c'est la présence de coquilles qui présentent du nacre. Il y en a finalement pas énormément en fait de coquillages qui donnent et de mollusques qui donnent de la nacre. Et là finalement on a une dizaine d'espèces, 10 espèces qui présentent de la nacre. C'est-à-dire qu'on a des reflets chatoyants, brillants. Et vous imaginez avec l'eau aussi, ça peut donner des reflets irisés. Donc c'est sans doute une caractéristique esthétique qui a engagé la sélection de ces espèces. Également, je vous ai montré tout à l'heure une coquille avec des espèces de stries un petit peu partout. Et on a eu de la chance qu'au Rond Vert, on avait d'autres témoignages qui ont permis d'approfondir la chose. On voit qu'en effet, on a un polissage de certains coquillages. Alors ça a permis en fait de remettre à nu la nacre de certaines espèces, parce que souvent la nacre peut correspondre à la couche qui est à l'intérieur du coquillage. Donc finalement ce polissage, ce travail de la matière avait pour but de mettre à nu la nacre et de faire briller certaines zones. Également ça permet de mettre en exergue, de mettre en lumière finalement des contrastes de couleurs. Vous avez ici des zones un peu donc qui après abrasion sont blanches et on avait des zones assez foncées. Et cette étude a montré que finalement ce travail des coquillages avait été fait avant inclusion des coquilles dans le mortier et dans la masse du rocaillage. On voit que par exemple lors du démantèlement, on voit les zones, je vais vous le montrer, qui étaient incluses dans le mortier et on voit que certaines de ces zones étaient déjà travaillé. Également, là encore, indice de coquilles ramassées échouées mortes, donc avec présence d'organismes marins sur l'intérieur de l'aval. Donc là, c'est un zoom de cette zone-là. Donc là, c'est des petits bryozoaires qui vivent en colonie. Et ici, vous avez une abrasion de cette zone-là. Donc, recherche de coquilles qui sont échouées mortes et qu'on ne connaît pas forcément, comme je l'ai dit juste avant, vivants. Alors également, on a pu observer une altération différentielle des coquillages. Alors comme je vous le dis, moi au début j'ai travaillé un petit peu à l'aveugle. Donc ce que j'avais pu montrer dans mon premier rapport, c'est que vous avez ici les coquilles qui étaient enfoncées en fait dans le mortier. On en a d'ailleurs quelques indices. Et ici on pouvait voir quelles étaient les parties qui étaient en fait finalement visibles par l'œil humain, celles qui étaient à l'extérieur, parce que ce sont des zones en fait qui ont subi les foudres de l'atmosphère. On a des petits cupules de dissolution que vous pouvez voir ici. Ça, voilà, vous avez l'acidité en fait de l'air qui peut provoquer des modifications de la surface de la coquille. Et puis, alors, je sais pas si, voilà. Et puis également en fait des parties qui étaient soumises au flux continu de l'eau qui a déposé en fait du carbonate de calcium sur les coquillages. Donc, on a pu ainsi voir que je vais tenter une opération difficile, voilà. Donc on a pu voir en fait que certains gastéropodes, donc ça c'est un gastéropode turbiné, voilà, avec une petite spirale, on a pu voir que certains étaient fichés dans le mortier avec l'ouverture masquée et donc la pointe, l'apex visible, et d'autres inversement. Donc ça a permis en fait, même à partir d'un coquillage, de mettre en valeur plusieurs formes pour composer ces décors. Donc voilà, voilà. Alors qu'est-ce que j'aurais oublié ? Donc oui, également. Alors j'ai pas mis de photo. Certaines coquilles étaient fixées au rocaillage par le biais donc du mortier et d'autres par des fils métalliques. Donc on a eu la chance. Donc Annick a eu la chance de trouver avec son équipe une coquille qui était percée avec le fil métallique encore associé à la coquille. Et puis je vous le disais juste avant. Alors là, il va falloir que je prenne mes notes parce que. Pour la petite histoire, travailler sur ce genre de matériel, ce n'est pas aisé parce que c'est des coquillages qui viennent d'un petit peu partout. Donc j'ai essayé, donc là j'ai peut-être fait des erreurs, il y a peut-être des zones qui n'étaient pas conquises ou connues ou visitées à ces périodes-là, donc j'en appelle à l'aide aux historiens. Donc en fait j'ai pris toutes les espèces, je les ai déterminées quand je pouvais jusqu'au rang de l'espèce, et ensuite j'ai essayé de voir quelles étaient leurs distributions biogéographiques, donc ce que vous avez ici, pour essayer de voir en fait si... Dans les rêves, on pourrait avoir une zone de collecte préférentielle observée. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est qu'il y a plein, plein de zones différentes. Alors, vous avez déjà ici, ce sont les moules d'eau douce, ici, là. Donc, elles peuvent être collectées principalement donc, en France, certaines à l'est de la France. Vous avez également, je vais essayer de m'y repérer. Alors, ici, vous avez l'huître perlière, donc ici c'est une huître qui est présente sur ces zones-là, donc sur les côtes de l'Afrique, de l'océan Indien et les côtes Indo-Pacifique. Alors je vais trouver, normalement elle a un ami, voilà, la turritelle, une espèce de turritelle qui vit dans ces zones-là. Également on a le Strombus gigas et Citarium pica, alors je vais essayer de m'y retrouver, voilà, dans cette zone-là. Qui provient en fait des Antilles et de la Floride. Alors pour la petite histoire, là, cette espèce, c'est celle qui va être aussi importée. Alors je ne sais pas à partir de quand cette utilisation est actée en France, mais elle va être utilisée pour faire tous les boutons de nacre. Donc il y a carrément des usines à un moment qui vont fonctionner avec des coquilles qui viennent donc de ces zones des Antilles. Également, vous avez donc des cyprès et des Tympanotonus qui viennent en fait des côtes occidentales, donc vous avez également les côtes occidentales de l'Afrique. Tout ça pour vous dire qu'en fait ces coquillages donc sont reflétés par un prestige particulier qui est reflété à la fois pour leur aspect exotique, mais également par leur provenance multiple. Donc là j'en viens à la conclusion, donc vous retrouvez notre ami l'huître et le strombe. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'à partir de ces deux utilisations finalement la notion de prestige reste au cœur de l'événement parce qu'en fait on a une sélection d'huîtres bien calibrée et choisie, nettoyée, apprêtée pour venir sur Versailles et également à travers le rocaillage. Là c'est la diversité des lieux aussi qui nous donne cette image de prestige avec des formes variées. Je vous remercie de votre attention.